boudin. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Image du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, pour le pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce jeudi 20 juin 2024. Bienvenue sur le 895 de Dio, la fréquence FM, les www.radiodio.org si vous nous écoutez via la toile Le Net. Dernier rendez-vous de cette semaine en ce jeudi 20 juin, vous le savez, des mots, des sons sensibles, les lundis, mardis, jeudi, 12h, 13h en direct, rediffusé à 19h et le lendemain en matinale dès 8h. Aujourd'hui, dans ce dernier rendez-vous de cette semaine, c'est une formule plutôt sensible, son sensible qui vous est proposée. En effet, actualité musicale, discographique et live dans le cadre de notre événement que nous organisons et menons tout au long de ce mois de juin. Vous le savez, la fête de la musique, c'est demain, ce 21 juin, jour d'été. Sur le 895 de Dio, c'est un peu tous les jours et c'est plus particulièrement ce mois de juin avec un petit festival radio que nous avons concocté, le Radio Dio Live Festival, Joins-toi à la Trance, un ensemble de rendez-vous live et concerts qu'on vous propose sur le 895 de Dio, une programmation spéciale avec des enregistrements live inédits, rares, enregistrés ici et là, dans quelques salles obscures stéphanoises ou alentour. Je pense à la banlieue stéphanoise et du côté de Lyon, pour exemple, dans certaines salles, années 1990, la grande période. Et puis quelques lives enregistrés via notre fédération, la Ferrarock, enregistrés du côté des transmusicales, pour exemple, ou encore du côté de Saint-Malo. Bref, toute une programmation spéciale tout au long de ce mois de juin. Et aujourd'hui, un rendez-vous live en studio, session acoustique, avec deux invités ici présents au micro avec moi. Ils sont en face, ici installés, prêts à assurer ce petit exercice live. C'est Moustapha Idir qui est avec nous. Bonjour Mousse. Bonjour. Et bienvenue sur le 895 de Dio. Merci. Plaisir de te retrouver. À tes côtés, ton binôme. Il s'agit de Jérôme Bertrand qui est avec nous. Jérôme, bonjour. Bonjour. Et bienvenue également sur le 895 de Dio. Mousse et Jérôme forment ce duo pour ce projet Contrebasse et Double Basse. C'est un maxi EP qui vient de paraître il y a quoi, quasi tout juste un mois. Hein. Sortie officielle le 10 mai. C'était le 10 mai dernier. 6 titres qui composent cette EP, Contrebasse, Double Basse. Mousse Idir, Jérôme Bertrand, l'occasion de présenter ce nouveau projet. On te connaît, Mousse, pour maintenant quoi, 30 ans de carrière au moins. Ouais, carrément. Avec au moins une dizaine d'albums à ton actif. C'est ça, des projets solo, des projets duo également. Hein, au-delà de Jérôme, tu as aussi collaboré avec Issouf, pour exemple. Issouf, Mousse et Issouf. On collabore toujours, d'ailleurs. Et puis d'autres projets que tu mènes par ailleurs. On connaît moins Jérôme, mais on va avoir l'occasion, bien sûr, de faire plus ample connaissance durant cette émission aujourd'hui. Vous êtes aussi contrebassiste, Jérôme, et puis prof de conservatoire à Saint-Étienne. Oui, c'est ça, prof du conservatoire de notre ville. Je joue aussi à l'opéra, dans un orchestre de chambre qui s'appelle l'Ensemble Sylph, qui fait beaucoup de projets à la croisée des arts musicaux, pas uniquement quand on est dans le classique, et c'est aussi ça qui, je pense, a incité Mousse, et aussi parce qu'on se connaît depuis très longtemps, à venir me proposer de partager ce duo qui est très original en fait sur la rencontre de deux musiciens qui viennent qui jouent le même instrument, mais des esthétiques complètement différentes. Et oui, c'est la contrebasse qui vous réunit. Alors, on a réussi à installer ces instruments assez imposants dans notre petit bocal et notre petit studio. Petite configuration live qu'on retrouvera en deuxième partie de programme essentiellement. L'instrument contrebasse vous réunit pour ce nouveau projet d'horizons différents, comme vous le disiez. Donc, c'est une rencontre comme ça entre classiques, on va dire, hein, et puis des choses et propositions plus musique du monde, et c'est toujours ça. Le jazz, je dirais, tout de même en toile de fond. Tout à fait. Exactement. On peut le dire ainsi. Voilà pour l'essentiel menu contenu de ce programme aujourd'hui. Merci encore à vous d'être présents. On vous retrouve donc en deuxième partie de programme pour la session live studio, et puis on aura l'occasion bien sûr d'échanger ensemble et de parler plus amplement de ce projet. Double basse, contrebasse. Quelques infos à vous faire part également. L'actualité est chargée en cette fin de semaine. Cela composera aussi la première partie de ce programme. Info, actualité chargée, politique, sociale et culturelle toujours, bien entendu. On va ouvrir ce programme en musique, comme à notre habitude, avec nos découvertes, partenariats, artistes, albums chaque semaine, auprès de notre fédération nationale, dont nous sommes membres, la Fédération des radios associatives rock de France, la FERAROC, composée d'une trentaine de radios françaises et francophones. Et nous proposons chaque semaine, via cette fédération, des albums découvertes, l'occasion de les diffuser, de les présenter, bien souvent aussi de les proposer en jeu concours, des albums à gagner à la clé. Et je vous propose de nous arrêter une nouvelle fois sur cette belle proposition. Ce n'est pas véritablement un album, c'est une compilation d'un très bon label qui s'appelle Cartel, C-A-R-T-E-2-L-E. Parce que l'approche est plutôt féminin et féministe, je dirais. Une maison de disques créée par Margot Auger et Lisa Banteny. Maison de disques, je le disais, féministe, généreuse, joyeuse, défricheuse. En effet, l'idée étant de mettre en lumière et d'accompagner l'émergence de projets musicaux portés par des femmes, personnes transgenres, non-binaires. Une première compilation de ce label, le volume 1, était parue en 2021. Je vous propose de découvrir le volume 2 qui vient tout juste de paraître. C'était ce 14 juin dernier. On évolue toujours dans cette scène très voire souterraine de l'Hexagone. Donc on vagabonde comme ça entre esthétique pop, musique synthé, post-punk, noise, Riot. Je vous propose de faire une plongée dans cette compilation avec un côté un peu plus emmené, enlevé que j'ai sélectionné. C'est le projet Oh No It's Diva avec le titre Freedom que je vous propose de découvrir. Bombe sonique aux rythmes atypiques, synthé en roue libre et guitare épileptique. Oh No It's Diva, c'est une expérience où la dissonance n'est pourtant qu'apparente. Les compositions foncent à tombeau ouvert, déjouant la normalité d'un rock, ramenant ce dernier sur le seul terrain qui lui convient, celui de l'émancipation et de la liberté. Un vent salutaire et euphorisant. Je vous propose de découvrir cela en ouverture de ce programme. Des sons sensibles sur le 895 de Dio, c'est parti. Marco Legion. Freedom, voilà pour ce titre-là avec It's Not Diva, issu de cette compilation volume 2 du label Cartel, à l'honneur via la Ferrarock cette semaine. Vous en saurez davantage bien sûr en vous rendant sur le site dédié ferrarock.org où vous retrouvez toute l'actualité de notre fédération, dont ses découvertes partenariats cette semaine, et puis en écoutant bien sûr le programme mutualisé et collectif, l'émission Dig Dig Diggers qu'on vous propose chaque vendredi sur le 895 de Dio. Et pour cette 25e semaine de 2024, vous retrouverez une interview réalisée auprès du label Cartel par PFM, la radio de Saint-Brieuc Radioactive a assuré l'interview d'Isolation, l'autre découverte partenariat cette semaine, et l'album Creatures Lies. Et puis vous retrouverez un petit module réalisé par Marie de Sol FM, la cousine voisine d'Oulin, autour de Mike Nograph. C'est Dig Dig Diggers, donc vendredi 12h-19h, le lendemain, et ce sera pas le lendemain, ce sera lundi en matinale dès 8h. Des sons sensibles s'ouvrent avec un, on va dire, petit agenda et point actualité politique et sociale chargée. Je vais ouvrir les micros de mes invités. Si vous souhaitez réagir à un moment ou à un autre, n'hésitez pas. Actualité politique, forcément, hein, au vu de ce qui vient de se dérouler. L'actualité est chargée en la matière. Élections passées, nouvelle échéance électorale attendue début juillet, enfin 30 juin et 7 juillet prochain après les européennes, les législatives. On a fait un large point ce début de semaine pour cartographier un petit peu les choses et les enjeux au niveau local et des différentes circonscriptions, les 6 circonscriptions ligériennes. Auprès de notre fédération, précisément, nous avons pu relayer les tribunes sur lesquelles nous sommes finalement associés. La fédération est adhérente à divers syndicats et autres réseaux culturels, je dirais. Donc j'ai fait part ce début de semaine des tribunes relayées par la Ferrarock, notamment auprès de l'UFISC ou encore du syndicat SMA. D'autres tribunes sont en train de se multiplier pour appeler à faire front. Populaire, certes, en tout cas faire barrage au RN et tenter de se mobiliser au mieux par le vote ou non, mais le vote est bien sûr aussi essentiel face à cette crise politique et démocratique que l'on vit actuellement. Au-delà de ces tribunes, d'autres sont en train de se mettre en place localement. C'est le cas d'une tribune intitulée Résistons Ensemble qui vient tout juste de paraître, où il s'agit là de mobilisation des acteurs associatifs de la culture et des médias qui expriment leur profonde inquiétude face aux résultats de ces dernières élections européennes et à la dissolution de l'Assemblée nationale, et c'est surtout sur ses répercussions sur notre pacte social ainsi que sur les politiques publiques à venir. Une tribune avec différents signataires, les structures culturelles locales que l'on connaît, le Clapier, le Théâtre de l'Incendie, le Musée des Confluences, le Cinéma Méliès, la salle Le Fil, Époque Mag, le Forestival, Positive Éducation et j'en passe. D'autres sont encore en train d'être réalisés et vont être rendus publics d'ici peu. Mais je voulais en tout premier lieu m'arrêter sur une autre tribune et un autre appel lancé cette fois du côté des médias, ce qui nous concerne aussi directement. Et je tenais à rappeler cet appel intitulé « Pour un front commun des médias contre l'extrême droite » et que je voulais communiquer et donc vous rendre compte. Jamais depuis la libération, l'extrême droite en France ne s'est trouvée si près de la victoire. Elle porte un projet de démolition sociale, de repli chauvin, de discrimination raciste, sexiste, homophobe, de guerre aux minorités, de basculement liberticide et de régression écologique. Dans sa stratégie de conquête du pouvoir, elle a fait des médias un terrain privilégié avec la prise de contrôle de titres, de chaînes de télévision, de radio par des milliardaires au service de son projet. Par ce maillage, elle impose dans le débat public ses fausses nouvelles et ses obsessions contraires aux droits fondamentaux. Le Rassemblement national annonce déjà la couleur pour l'audiovisuel public voué, s'il l'emportait, à la privatisation. La liberté de la presse est dans sa ligne de mire. Partout en Europe, dans le monde, où l'extrême droite gouverne, celle-ci est violemment attaquée. Interdiction de publication, destruction du secret des sources, multiplication des procédures bâillons, censure, pression et intimidation, assèchement des aides publiques à la presse. En France, le terrain en a malheureusement été méthodiquement préparé par l'exécutif sous la présidence d'Emmanuel Macron, qui n'a eu de cesse de restreindre les protections et les droits des journalistes. Par les atteintes au secret des sources et la primauté du secret des affaires, la loi sur la sécurité globale, la fusion programmée de l'audiovisuel public et le laisser laisser faire en matière de concentration capitalistique des médias aux mains de grands industriels au détriment du pluralisme et de l'indépendance. Le combat contre l'extrême droite et son projet est au cœur de nos engagements éditoriaux. Dans notre diversité, nous entendons prendre toute notre part à l'indispensable rassemblement politique, social, populaire au service de la justice sociale et écologique, de l'émancipation humaine et de l'extension des droits et libertés pour lui barrer la route du pouvoir. L'enjeu est de préserver la possibilité même d'une presse indépendante, du pouvoir politique pluraliste, avec des journalistes exerçant leur métier en toute liberté, sans presse libre, pas de démocratie. C'est pourquoi nous appelons, par nos initiatives éditoriales et sans jamais renoncer à notre regard critique, à soutenir la mobilisation sociale et citoyenne en cours qui fait écho à la dynamique antifasciste de Front Populaire de 1936 dans sa capacité à déborder des cadres partisans. Nous considérons qu'elle seule est à même d'empêcher le RN d'accéder au pouvoir le 7 juillet. La lutte contre l'extrême droite nous requiert tous et toutes, et nous en premier lieu, comme acteurs de la société civile. Appel lancé par Acrimed, Action Critique Média, relayé par bon nombre de presses alternatives, indépendantes ou non, alternatives libertaires, alternatives économiques, Arrêt sur Image, Basta, Blast et j'en passe. De nombreux signataires de cet appel auxquels, bien sûr, Dio, en tant que radio libre, sauvage, indépendante, impertinente, se joint très étroitement. Alors justement, pour faire front encore et toujours, c'est une nouvelle mobilisation, un nouveau rassemblement contre l'extrême droite qui est prévu à Saint-Étienne. Il y a eu plusieurs rendez-vous déjà proposés sur le département. Un nouveau rendez-vous est proposé aujourd'hui, ce jeudi 20 juin, parce que les avancées sociales et environnementales ne tomberont pas du ciel. Occupons la rue, sont les mots d'ordre de ce rassemblement contre les idées d'extrême droite, contre le post-fascisme aux portes du pouvoir, contre le néolibéralisme, contre le capitalisme. Deux rendez-vous dans la Loire, à Rouen et à Saint-Étienne, ce jeudi 20 juin. À Rouen, sur le nord du département, rendez-vous est donné à 18h au centre universitaire. À Saint-Étienne, le rendez-vous est donné ce soir à 19h, parc Joseph Sangdols, donc parc Puy-Couriot à Saint-Étienne. Une manifestation à l'appel de différents syndicats, intersyndicales véritablement, FO, CNT, Solidaires, UNSA, FSU, CGT Loire ou encore CFDT. Dans la Loire, donc, deux manifestations ce jour, ce 20 juin. Attention si vous chopez la rediff. Pour le rendez-vous stéphanois à Saint-Étienne, parc Joseph Sangdols, ce soir 19h. L'actualité politique au-delà des élections législatives prochaines et de cette campagne en cours, c'est aussi l'actualité municipale. Alors autant vous annoncer de suite, même s'il n'est encore pas question d'élections. Il va falloir attendre 2026, à moins d'élections anticipées, mais on compte peu sur la chose, en tout cas à Saint-Étienne, où Gaël Perdriau reste maire de la ville de Saint-Étienne malgré les affaires en cours. Et les affaires et surtout une fin d'instruction, mais pas de la contestation. Et c'est une mobilisation en vue du conseil municipal, dernier, on va dire, de cette saison, en tout cas avant la coupure estivale. Ce sera ce lundi pour une nouvelle séance de conseil municipal, lundi après-midi, salle de l'hôtel de ville, dont nous vous rendrons compte bien sûr mardi, dès lendemain, sur cette même antenne, puisque nous allons à nouveau suivre cette dernière séance de conseil municipal. Mais à noter, car on imagine cette séance assez mouvementée. On sait que le maire de la ville vient de s'entretenir auprès de ses adjoints dissidents, entre guillemets, après Lionel Boucher. Claude Loger, son adjoint, vient d'être mis de côté, si je puis dire, et il rencontre différents adjoints actuellement, d'ailleurs, pour savoir ce qu'il en est, s'il les maintient en poste ou non. Bref, en tout cas, Gaël Perdriau est toujours droit dans ses bottes et plus que jamais aux commandes de la ville. Et face à ce conseil municipal de lundi, c'est le comité des fêtes qui appelle un nouveau rassemblement sur les marches de l'hôtel de ville. Le comité des fêtes, en un seul mot, c'est gratuit et c'est le grand chamboule Gaël qui est prévu. Vous pouvez ramener votre fraise et votre boîte de conserve. C'est prévu à partir de 17h30 ce lundi 24 juin. Et puis je voulais juste rappeler qu'en ce 20 juin, c'est la journée mondiale du réfugié 2024. Chaque année, le 20 juin, le monde rend hommage au courage des personnes qui ont été forcées de fuir leur pays pour échapper aux conflits ou à la persécution. C'est une journée instituée par les Nations Unies qui a lieu chaque année pour mettre en lumière les droits, les besoins, donc de celles et ceux qui sont contraints de fuir leur pays. Alors je voulais juste le rappeler en cette journée de ce 20 juin. Je pense que Mousse et Jérôme pourraient tout à fait être étroitement associés aussi à cette journée mondiale du réfugié. Je sais que vous avez un titre qui s'appelle Clandestin d'ailleurs, qui pourrait tout à fait être en bande son de cette journée de ce 20 juin. Et je voulais juste faire une petite parenthèse parce que les associations continuent de se mobiliser pour aider les personnes, certes réfugiées, en demande d'asile, parfois sans papier, en difficulté à tout niveau, et notamment en termes d'abri et de logement. On peut saluer le travail de l'association Un Toit C'est Tout, très active dans le département, qui vient tout juste de fêter ses 10 ans d'engagement pour les réfugiés. Voilà, même s'ils préféreraient ne pas exister, c'est une bougie que l'on peut souffler et partager. Et je voulais aussi, eh bien, parce que j'ai reçu cette information, rappeler le travail d'une association qui s'intitule J'accueille en Auvergne-Rhône-Alpes. Et qui précisément là rend peut-être plus visible son travail sous cette journée mondiale des réfugiés 2024 et qui peut-être sévit dans cette thématique de l'accueil précisément citoyen, initiative qui crée de belles histoires d'amitié, d'entraide entre des personnes réfugiées accueillies et des familles françaises accueillantes via ce réseau, cette association, notamment du réseau Singa, que l'on connaît aussi très bien à Saint-Étienne. Et eh bien, ils tirent aussi un petit bilan, finalement, de leur démarche et initiative. Alors, il y a une antenne, certes, régionale, mais plusieurs villes de l'Hexagone, finalement, rejoignent aussi cette démarche d'accueil qui reste efficace, puisque d'après une étude publiée la semaine dernière, par l'association sur les personnes sorties du dispositif d'accueil révèle que les accueils précisément favorisent l'employabilité et l'insertion et notamment au-delà du social professionnel également. Quelques chiffres, 56,6% des personnes accueillies occupent un emploi stable rémunéré à la sortie de leur accueil contre 14,6% à l'entrée et 49,5% des personnes passées par le programme J'accueille sont en situation de logement pérenne. Voilà, comme quoi des initiatives aussi positives sont à noter. Et juste dans ce cadre-là, pour boucler ce premier point info, un rendez-vous à vous donner avec la CIMAD à Saint-Étienne, la CIMAD Saint-Étienne qui invite, ce sera semaine prochaine, le 29 juin, Stéphane Lecourant, qui est anthropologue au CNRS, qui abordera la situation complexe des migrantes et migrants sans papier dans le contexte précisément du travail. Si l'emploi demeure officiellement un moyen, quoique minoritaire, d'obtenir un titre de séjour, il constitue cependant un élément déterminant de l'existence des personnes migrantes, quel que soit leur statut officiel, demandeur d'asile, migrant économique ou pour raison familiale, quel que soit le motif de régularisation invoqué, il leur est régulièrement demandé de démontrer la capacité à s'insérer dans le monde de l'emploi. Alors l'intervention de Stéphane Lecourant devrait aborder la diversité des modes d'insertion des migrants-migrantes sans papier sur le marché du travail. Bien que la place de la main-d'œuvre immigrée dans certains secteurs économiques soit essentielle, l'irrégularité des migrants se traduit par une grande fragilité et des situations de dépendance, procédure de licenciement dérogatoire, absence de recours contre l'arbitraire, utilisation de cartes de séjour, empruntées ou louées, etc. La précarité dans les secteurs de l'emploi et dans les postes de travail occupés rend l'accès à la régularisation par le travail pour le moins problématique et inaccessible pour nombre d'entre eux et elles. Stéphane Lecourant interviendra avec la CIMAD Saint-Étienne. Ce sera semaine prochaine, je le disais, le 29 juin à 18h. C'est à l'Amicale laïque de Tardy, située 86 rue Vaillant-Couturier à Saint-Étienne. Cette rencontre-conférence sera suivie d'un pot amical sur place. Messieurs, est-ce que vous souhaitiez peut-être réagir à cette première salve d'infos dans ce programme? Que dire si, enfin, par rapport aux législatives, on peut juste dire que en arriver là, alors que, quand on connaît l'histoire, est-ce que l'histoire est mal enseignée? Est-ce que, je sais pas, c'est peut-être... On a mal à notre histoire, à notre mémoire, à notre France. Ouais, exactement, mais la mémoire, je pense qu'elle prend un sacré coup. Alors après, pourquoi on arrive là? Il y a peut-être aussi des explications, je sais pas. surtout en cette année de 80e anniversaire où on célèbre la résistance, le débarquement, l'engagement contre le fascisme, nazisme. Exactement. Bizarrement, effectivement, cette mémoire est... Ouais, je pense qu'il y a des pans d'histoire qui n'ont pas été enseignés, ce qui fait qu'aujourd'hui on en arrive là. Pas sinon on ne pourrait pas en arriver là. Quoi. C'est pas possible. Peut-être une mémoire plus positive. On va remonter dans le temps avant de vous retrouver, messieurs, avec une petite proposition musicale, me semble-t-il, bienvenue. On va remonter fin des années 80, Mousse. Ouais. Avec un projet musical que tu menais alors, les Catmen. Ah ouais, oula. Ouais. Une sacrée histoire, un trio. Tout à fait. Lou, Lasse et Mousse. C'est ça. Tu sévissais déjà à la contrebasse. C'est ça. Accompagné de batterie, de guitare. Ouais. Et alors, il y a une compilation, tu sais, qui est parue il y a peu, Furania. C'est ça, tout à fait. Un livre-disque, un coffret 4 vinyles, avec ce livre qui tente de relater, illustrer la scène musicale indépendante stéphanoise des années 80 à 2020. Et les Catmen sont présents sur cette compilation. Donc le groupe est né quoi ? Fin 80, milieu 80, 85, 87 ? 87. 1987, dans un registre... très rockabilly, très rock'n'roll. Très rock'n'roll, rock'n'roll à fond la caisse. Très rock'n'roll. De 87 à 92. Ça fait du bien aussi de voir, je me permets de le dire quand même, mais... Okay. Des personnes issues aussi d'horizons divers, bien sûr, oui. S'emparer de cette culture-là musicale qui peut être très stéréotypée, ouais. Si je puis dire, et de vous voir ainsi rejoindre cette compilation, ces musiciens, musiciennes locaux, parfois peut-être trop représentés d'une certaine manière. Voir un peu de diversité aussi dans le monde du rock'n'roll, ça fait du bien. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, ouais, c'était... Souvent, justement, on nous en parlait parce que c'était surprenant. Des gars issus un petit peu comme ça de milieux différents et aussi de l'immigration, d'évoluer dans le milieu rock'n'roll, un petit blues, enfin, ouais, blues et tout. Et en fait, c'était bon, bah, c'est pas des questions qu'on se posait puisque on travaillait nos instruments, puis on bossait des morceaux et puis on allait de l'avant, tout simplement. Et bien on va écouter, issu de cette compilation Furania, le titre Don't Be, ah des ouais. Catmen, où tu sévissais bien sûr à la double slap basse et au chant. Yeah. Et voilà, Don't Be des Catmen, issu de la compilation Furania livre disque, paru il y a quelques mois de cela. C'était à l'automne 2023. Je crois que le stock est épuisé. Qu'il n'y a plus de coffrets vinyles et de livres disponibles, mais sans doute toujours accessibles, j'imagine, en médiathèque ou ce type de lieu, bien entendu. Et ça fait du bien d'écouter les Catmen. J'avais des cheveux à l'époque. T'avais des cheveux, ouais. Vous aviez des cheveux et la banane, tout ouais, simplement ouais. Même. Hein. Très rockable, pur jus. Groupe qui a connu quand même un certain succès, Moussin. Ouais, ouais. Vous avez tourné partout en Europe. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a eu du mal à démarrer les deux premières années, donc on jouait. Et puis après, tout doucement, les dernières années, on faisait 150 dates par an. Les trois dernières années. Ah oui. C'était énorme, absolument. Et alors, on est heureux de retrouver un titre là sur cette compilation. La question qu'on se pose beaucoup, c'est comment retrouver aussi peut-être des archives des Catmen, parce que vous avez aussi assuré des enregistrements et vous avez des albums à votre actif. On a fait un album donc sorti qui a été fait par Association Malfaiteurs à l'époque. Ah oui. Voilà, tout à fait. Et on salue Dédé. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Et donc voilà. Donc après, pour trouver cet album, je sais que je ne sais pas s'il n'a pas été réédité, parce qu'il y avait, je crois, une... Il me semble que j'ai vu ça, moi, il y a un an ou deux, une réédition... Une réédition vinyle qui a été faite par un gars de Clermont-Ferrand. C'est incroyable, ça. Ouais, l'album est ressorti en vinyle, puisque le gars m'en a... T'as pas l'air même très au fait de la chose, ça t'a dépassé un petit peu? Non, mais j'ai été surpris quand le gars m'a contacté, quoi, pour me demander l'autorisation et tout. Et il a refait ça en vinyle, donc il m'en a envoyé quelques exemplaires, donc j'ai fait passer à Lou et à Las. Et voilà, donc voilà, exactement, il est disponible donc en vinyle sur... C'est quel label, tu sais on... Club 333. Ok. Club avec un K. C'est en fait un magasin de bande dessinée qui se trouve à Clermont-Ferrand. Le gars, il a un magasin de bande dessinée et il nous suivait à l'époque. Et ça avait marqué un petit peu plus ou moins sa jeunesse, quoi. Et il avait envie de ressortir ça. Et il l'a ressorti. Alors je ne sais plus combien d'exemplaires, donc il est disponible, absolument. Bon, on peut faire quelques recherches ici et là et tenter ça, de retrouver ouais. Cet album des Catmen. Ça, c'est ton tout premier projet. C'est ça. Mousse, en trio, ouais. Dans ce registre voilà, plutôt rock'n'roll. Et ouais. Puis, alors, ça fait maintenant donc, 30 ans. Hein. On est des années 80. Ouais. Mais t'es toujours aussi beau. Voilà, vous ne le voyez pas en radio, mais il me montre une belle photo de l'époque. T'as pas changé, c'est incroyable. Franchement, t'as très peu changé. Toujours aussi fringant. Merci, et puis, cette voix qui a presque finalement peu bougé. Hein. Eh ben, elle s'est peut-être elle a gagné en assurance et un, voilà, peu, tout à fait, ouais. Un peu en grave et, ouais, voilà, parce voilà. Que tu as travaillé aussi ouais, elle est un peu moins fluette qu'à l'époque ouais. Mais tout de même voilà, c'est incroyable. Puis, bon, le poids des années qui fait que bien sûr ouais. Mais en tout cas voilà, 30 ans après tu restes très actif et tu restes musicien aujourd'hui professionnel. Tout à fait, absolument ouais. Donc tu vis de ta musique. C'est ça. Sous quelle forme? Parce que c'est pas évident d'être musicien professionnel aujourd'hui. C'est à la fois dans nos et vos projets artistiques, ouais. Mais pas seulement. Moi, j'ai trouvé que ça remonte à une dizaine d'années. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est devenu vachement plus compliqué. Voilà, plus compliqué. Alors, les subventions ont été pas mal coupées au niveau de chez. Pas mal d'organisateurs, donc festivals et donc voilà, ça a été réduit, donc ça fait que sur le coup c'est vrai que c'est pas évident de... Oui, parce que c'était la scène surtout hein, qui faisait vivre, et c'était pas forcément évident de jouer quoi, la scène en tant qu'intermittent enfin, du spectacle dans des conditions, je veux dire, voilà. Correct. En tant qu'intermittent du spectacle, voilà. Et puis, et puis après c'est devenu cher pour l'extérieur que quand on va jouer quelque part pour une association ou un bar par exemple, et ben c'est devenu cher parce que quand les gars veulent déclarer, ben il y a les charges qui viennent greffer dessus. C'est ça. Et sur le coup pour qui amoindrit, enfin en tout cas réduit les cachets. Voilà. Possible. Ça fait que pour un gars qui a un bar qui a pas d'aide, et ben c'est compliqué. Voilà. C'est ça. Donc quelques disques néanmoins, mais c'est pas toujours aussi là aussi la conjoncture hein, de. Oui. Après bon, l'objet disque. Ben non, les ventes d'albums, pas évident. Particulièrement aujourd'hui. Ouais, voilà. C'est... Donc tu diversifies ça avec de l'activité sous forme d'intervention. Oui, rarement, diverses. Mais il m'arrive de faire quelques interventions, mais surtout en fait j'ai différents projets. J'ai différents projets. Sur le coup, en fait, je me suis dit. Je fais ce que j'ai envie de faire, et donc il y a des trucs qui me tiennent à cœur, comme ce projet avec Jérôme par exemple. Ça faisait Il y a déjà, on en a parlé il y a... Il y a 20 ans. Ah ouais, il y a bien 20 ans. Ouais. Ah ouais. T'essaies de rajeunir, mais il y a bien 20 ans. Au moins, pour pas dire 25. Ouais. Et en fait, on attendait que l'occasion se présente, mais bon, l'occasion, parfois, il faut la provoquer un peu, donc... Voilà, donc je me suis dit, écoute, on va essayer de lancer ça maintenant, et puis boum. Au bout de 20 ans, c'était bien de le concrétiser. Ouais, parce qu'on se dit toujours, attends, quand j'aurai le temps, mais en fait, si on se dit pas, tiens, allez, on attaque, et ben on n'a jamais le temps, en fait. Et en ce qui te concerne, Jérôme, dans cette réalité aussi professionnelle de ce monde de la musique, toi, tu as un autre parcours, mais tu sévis aussi dans ce milieu depuis de longues dates. Parce qu'on te connaît moins, quel est toi ton parcours artistique? Mon parcours artistique, il est très, très conventionnel. C'est une formation au conservatoire. Le réseau de diffusion du classique fonctionne par des recrutements sur concours. Voilà, j'ai eu la chance de réussir. Et puis alors, tout à fait par hasard, de revenir, il n'était absolument pas prévu que je sois prof au conservatoire à Saint-Étienne. Le poste s'est libéré, j'ai postulé, j'ai eu la chance d'être pris, j'en suis ravi. J'étais pas, ma vie d'enseignant musical était en Savoie, donc je pensais même pas revenir. Ce que décrit Mousse, on le vit aussi, on l'observe dans le milieu du classique sur toutes les petites équipes qui correspondraient à des compagnies à petits effectifs qui sont autonomes. On se rend bien compte que tout se resserre. De toute façon, il y a de moins en moins d'appels à projets ou avec des conditions de particulières très très drastiques pour pouvoir mener à bien des projets. Le contexte est facile pour personne en ce moment. Il y a encore beaucoup de diffusion, c'est une chance. Mais j'observe, et on a partagé avec Mousse plusieurs fois, que par exemple les projets se valident de plus en plus tard. Et quelquefois, quand on travaille sur du 2 ans entre le début d'un projet et l'aboutissement, les validations sont effrayantes parce qu'elles arrivent, au dernier moment, quand parfois d'autres disponibilités sont parties. Le contexte est comme ça. Après, c'est dans notre ADN aussi que de s'adapter, de réfléchir à des solutions et à apporter des projets qui sont innovants. C'est aussi la raison pour laquelle, j'adore ce que je fais dans le répertoire que je joue, mais j'ai toujours été attiré par beaucoup d'autres musiques. Et ce projet que m'a proposé Mousse, enfin, au bout de tant d'années, il faut dire aussi qu'on était chacun dans nos parcours professionnels respectifs et il fallait vraiment effectivement le provoquer. Et je crois que c'est la période du confinement qui a un peu favorisé ça. Oui, qui a débloqué les choses. Parce qu'on a pu se poser à un moment, par la force des choses, vu qu'on était tous enfermés chez nous, et faire le point et se dire, en tout cas, en ce qui me concerne, à la proposition de Mousse, j'ai tout de suite dit oui, faisons-le, évidemment, parce que dans mon répertoire un peu cloisonné du classique, moi j'ai toujours fait en sorte d'aller vers d'autres musiques, vers d'autres musiciens, et sortir un peu la façon dont on est mis dans une espèce de case spécifique qui voudrait dire qu'il y a des codes à respecter pour écouter ce qu'on fait, blablabla. Et c'est absolument génial, parce que le projet de Mousse, d'abord, ce qu'il faut absolument savoir, c'est que ce que nous jouons, hormis une seule pièce que tu vas diffuser tout à l'heure, ce sont ses propres compositions. Et que c'est vraiment très très bien. Enfin, je dis pas ça parce qu'il est en face de moi, hein, mais moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait. Et ce qu'on observe quand on joue ce programme, c'est qu'en fait, les gens arrivent au concert avec des idées très très vagues de ce qu'ils vont entendre, parce que il y a des clichés sur la contrebasse, voilà. Oui. Et là, on est dans un répertoire incroyablement surprenant, en fait, entre une contrebasse qui jazzy, un peu oriental, qui accompagne, mais qui se prend parfois pour un violon, avec des choses très très mélodiques, en fait. Et puis aussi, bon, ce duo de contrebasse, il a débouché sur le partage de la musique avec le oud. Et ça, c'est parce que c'est ça l'ouverture, c'est se dire, mais testons les choses, écoutons ces deux instruments ensemble, faisons-les résonner ensemble, comme les deux contrebasses. Et du coup, cet album, c'est un véritable voyage. En fait, les gens qui viennent écouter les concerts nous disent repartir complètement dépaysés. Mmh. Est-ce que c'est exceptionnel, en ce qui te concerne, Jérôme, d'avoir de l'espace, effectivement, pour ce type de projet et de création, au-delà de l'enseignement ou la diffusion, être au sein d'institutions ? Est-ce que tu avais déjà des projets par le passé ou que tu mènes encore aujourd'hui un objet, je veux dire, la création aussi d'un album, etc. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une démarche que j'ai avec mon ensemble à cordes qui s'appelle l'ensemble Sylph, où on est justement parti sur l'idée de décloisonner tout ce qui donnait l'impression aux auditeurs qu'il fallait avoir des codes particuliers pour comprendre la musique. Et c'est un travail qu'on fait depuis longtemps. C'est pas toujours simple parce qu'il faut sortir de ses zones de confort sur le plan instrumental. Il faut aller jouer dans des endroits insolites. On l'a beaucoup fait. On a été les premiers à aller jouer sur le dance floor d'un casino pour proposer une saison de concert classique. C'était complètement inouï au plein sens du terme. C'est-à-dire que ça a bousculé les habitudes de tout le monde. Des gens qui nous recevaient, du public qui n'allait pas dans un auditorium ou une cathédrale ou blabla, quelque chose comme ça. Bref, ça supposait qu'on s'adapte à des conditions sonores qui soient pas hyper confortables. Mais moi, je trouve que c'est... Je ne sais pas si c'est une forme de résilience pour survivre dans nos métiers artistiques, mais je ne me suis jamais imaginé musicien, passif. Ça pourrait fonctionner comme ça, mais je crois que ce n'est plus de notre temps. Et est-ce que ce projet pourrait répondre un peu à cette intention-là d'inconfort, en tout cas, ou de sortir de sa zone de confort ? Est-ce que ça a été le cas pour cette rencontre entre vos deux approches, finalement, deux univers, deux techniques C'est exactement ce que tu es en train d'évoquer, mais alors ça s'est passé dans une espèce d'amitié et de fraternité et de dialogue ouvert très simple. On a dû en fait finalement, on se connaît depuis toujours, mais on n'avait jamais travaillé d'aussi près l'un avec l'autre. Donc on a été obligé de jouer, bien sûr, mais aussi de se parler beaucoup parce que certains termes musicaux, codes, principes, habitudes, réflexes sont pas les mêmes pour nous deux. Et oui. Il a bien fallu ce temps-là pour apprivoiser ces partitions, les rendre la musicalité plus souple, nous mémoriser nos attitudes pour avoir des réflexes en fait de jeu, bon, qui sont venus quand même. Ils sont venus, pour qu'une fluidité puisse s'installer. Et donc aussi bien dans le jeu que dans l'esprit, quoi. C'est-à-dire que il fallait et en fait ça s'est fait, je trouve que ça s'est fait quand même très naturellement, absolument, oui. Tout à fait, oui. C'est-à-dire on en est au point où on peut enlever l'oralité, on arrive à se comprendre, ouais. Auditivement, faire parler uniquement les cordes, ouais, exactement, sans que ça frotte trop, exactement. Ouais. D'accord, donc vous avez trouvé les points de à la fois de consensus, d'entente, ouais, de compromis, malgré une approche parce que là c'est aussi assez singulier dans ce projet-là, ouais, ouais, ce sont deux mêmes instruments, deux contrebasses. Ouais. Comment on travaille malgré tout la fusion de ces deux instruments, la cohabitation finalement. Cohabitation, c'est le cas de le dire. Ouais. déjà se retrouver, se rencontrer et jouer. Et puis en fait, je revenais sur quelque chose que dont on disait hier quand on a fait tourner un peu les morceaux. Quand je te disais que j'arrivais à faire une lecture de l'autre musicien, quoi. Et en fait, c'est quand on en arrive là qu'on se dit, c'est bon, quoi, en fait. C'est-à-dire que là, j'arrive un petit peu à voir comment il va répondre sur certaines choses, même si j'ai changé un peu le truc. Alors, voilà, c'est-à-dire, parce que ça laisse place à l'improvisation, toi qui es très habitué à cette forme-là, dans le monde du jazz, dans lequel aussi tu as beaucoup évolué. Là, je vois qu'il y a deux pupitres avec des partitions posées. Ouais. Malgré tout, vous laissez place quand même à l'improvisation. Voilà, il y a les thèmes qui sont là, posés. Et puis après, il y a dans l'expression de jeu de Jérôme, j'arrive à lire un peu ce qui va arriver ensuite, quoi. Et ça, je trouve que c'est ce que je trouve qui est magique, quoi, dans la musique en tout cas. Mmh. Voilà. Et alors, je vous pose la question sans qu'elle soit piège, j'espère, mais comment vous appréhendez ou vous pourriez peut-être définir l'approche musicale, l'univers, la technique de l'autre. Si Mousse, tu devais présenter la touche de Jérôme et Jérôme présenter à l'inverse la patte de Mousse, qu'est-ce que vous auriez à dire l'un de l'autre ? Moi, sur Jérôme, je dirais qu'il est contrebassiste très précis avec un son très riche. Ce qui est super avec Jérôme, c'est que c'est que quand j'apporte une partition, capacité de s'adapter. Voilà, il va la lire du début à la fin, exactement. C'est-à-dire que j'ai pas de surprise, quoi. Et là, ça c'est génial. C'est-à-dire que c'était pas ma façon de travailler jusqu'à aujourd'hui. Et là, comme Jérôme il lit super bien, c'est super, quoi. C'est-à-dire que là, ensuite, je peux évoluer dans mon monde. Voilà, et ça, c'est super. Et à l'inverse, toi, Jérôme, composer avec un trublion tel que le Mousse, dans sa forme très libre parfois et très... Quand je parlais de sortir de sa zone de confort tout à l'heure, c'est que je mesure tout le talent de Mousse, mais j'en ai pas toujours eu les clés parce que j'ai une formation très académique. Et du coup, c'est avec les outils que j'ai finalement, que j'ai essayé de décoder. Je pense que j'ai fini par y arriver. J'ai tout de suite, moi, été très séduit par la qualité des thèmes qu'il a composés pour ce programme. Ça, c'est vraiment parce que ça fonctionne en fait. C'est plein d'idées, brillant. Du coup, c'est agréable à faire. On a dû faire quelques petites adaptations. Enfin, pour ceux qui parlent anglais, des transpositions, des choses comme ça. C'est-à-dire un étalonnage de la hauteur des sons pour que ça soit un peu plus confortable à jouer. Parce qu'en fait, à l'origine, je te laisse parler, Mousse. Mais ouais, à l'origine, les thèmes ont été composés pour Oud, en fait. Ah oui. Voilà, je les avais écrits dans l'idée de jouer ça en duo avec contrebasse et Oud. Et finalement, à deux contrebasses, ça apporte quelque chose de complètement d'autre. Et avec le jeu de Jérôme, en plus, donc ça sonne différemment et c'est super intéressant, quoi. Donc ça, on a eu la chance de le proposer à des amis musiciens, en fait, qui ont assisté au concert, qui eux aussi ne savaient pas tellement à quoi s'attendre au départ. Et on a eu des retours très très sympas. Très positifs, ouais, dans l'ensemble. Et c'est aussi l'image qu'on veut porter, en fait. C'est très, je veux dire, on est plus des lapins de 15 jours dans le métier. On vient pas pour prouver des choses. Je veux dire, mais ce qui ressort des moments de partage qu'on peut avoir en concert avec le public, c'est que ce programme, il réconcilie tout le monde, en fait. C'est très très paisible, très dépaysant. Et pour revenir sur ce que tu disais, il fallait vraiment que, au niveau des jeux, que l'un aille vers l'autre, mais aussi au niveau de l'esprit, quoi. C'est-à-dire parce que si l'esprit ne s'ouvre pas, c'est très compliqué d'aller à la rencontre de l'autre. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que Jérôme, comme disait tout à l'heure, on arrive à un stade où ensuite ça se fait assez naturellement, quoi. Dès que l'esprit est ouvert, ben après tout est possible, en fait. Alors, la forme est très singulière, je le disais. Vous avez fait beaucoup de scènes, là, actuellement, des petites scènes. Vous tournez quand même le projet, vous le diffusez. Il est posé au travers d'un EP, hein, donc un disque. Ça. J'imagine aussi que ça, c'est un travail à part entière. Comment s'est passée aussi cette phase d'enregistrement de deux instruments tels que ceux-ci ? Est-ce que ça demandait une approche aussi particulière ? Comment vous avez travaillé la façon de figer donc et de poser le projet ? Alors moi, de ma part, comme je le vois, c'est bon, on a travaillé les morceaux ensuite. On est allé enregistrer ça dans un studio. On aurait dû faire ça chez Studio Mag, mais ça venait d'être vendu, donc ça a été fait. Studio New H7 dans le Rhône. Un clin d'œil à Jean-Luc Briançon qui a fait un très bon boulot avec Franck Morel pour le mastering. Ouais. Et voilà, donc on a passé là-bas une petite semaine. Quand on fait un projet, le fait de faire le projet et de passer à autre chose, c'est bien, mais l'immortaliser, c'est quand même super, quoi. Et c'est pour ça que je trouvais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on va dire faire un CD, c'est pas toujours alors que là on s'est dit faut quand même le faire, ça immortalise la chose, et puis c'est une étape de la vie, quoi, donc autant la marquer de cette façon là Oui, tout à fait d'accord. De toute façon, il y a une On sait très bien que ça ne se vend pas en milliers d'exemplaires, mais il y a encore une demande par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a, un certain nombre d'auditeurs qui viennent au concert qui ont envie de repartir avec la musique sous forme, entre guillemets, physique, quoi, qui ne sont pas encore habitués à aller sur les sites de streaming pour rechercher un titre. Et alors, quels sont les retours que vous avez un petit peu à l'écoute aussi, ou aux écoutes de, précisément de l'EP, de vos univers différents, peut-être toi plus sur le milieu du jazz, musique du monde, mousse. Jérôme, est-ce que l'album a été écouté dans vos réseaux, peut-être plus académiques justement, dans le registre plus classique, et quels sont les retours que vous avez eu de ce projet ? Alors moi j'ai eu un retour qui était vachement sympa, c'est justement le gars qui a ressorti l'album des Catmen, donc qui a le magasin de bande dessinée Club 333 à Clermont-Ferrand. Quand il a vu l'info, il m'a dit « Mousse, écoute, je suis vraiment curieux d'écouter cet album-là », et je l'ai envoyé. Et donc, je lui ai dit « C'est spécial, là, ces deux contrebasses, c'est pas ce que t'écoutes en général. » Et le gars, il m'a envoyé une photo de l'album à côté d'une bouteille qui venait de déboucher. Il m'a dit « C'est génial ». Et voilà, et j'ai trouvé que c'était super. Il a débouché la bouteille, il a mis l'album, je pense qu'il a dû finir la bouteille. Alors ça, c'est très très amusant, parce que je n'étais pas au courant de cette anecdote, mais moi, je l'ai offert à mon chef d'orchestre, Giuseppe Grazioli, qui est originaire de Milan, et qui travaille avec nous à l'Opéra de Saint-Étienne, et qui m'a dit... j'ai écouté ton CD en ouvrant une bouteille de limoncello. Donc, c'est pas une incitation à s'alcooliser spécialement, mais ça veut dire que les gens le vivent comme un moment, comme une parenthèse en fait, une petite pause d'écoute pour se dépayser musicalement. Très bien, bah alors c'est ce qu'on va tenter de faire, précisément pour la poursuite de l'exercice. On va déborder un petit peu de notre 4 horaires habituels, mais ce n'est pas grave. Et on va donc engager cette petite session là, live acoustique, le temps de vous installer. On va faire une petite proposition, là, écoute, précisément issue de l'EP. Comme tu le disais, Jérôme, tout à l'heure, on va écouter, alors parce qu'on a 6 titres, s'il fallait un petit peu, parce qu'on est vraiment dans ce registre, hein, mais vraiment cette vraie rencontre musicale, hein, dans des registres très, très différents, très... classique, jazz, musique, je ne sais pas s'il faut dire orientale, mais ouais. Musique du monde, en tout cas, musique du monde, orientale. Un peu de oud, musique arabe, double basse, et puis deux solos. Un solo que toi, tu proposes, Mousse, au sein de cette EP, et puis Jérôme, tu proposes Aude d'Espagne, cet autre solo. S'il fallait le présenter un petit peu l'ensemble, là, ces 6 titres, comment toi, tu le définirais, Mousse, et puis ensuite, je te laisserai, Jérôme, la parole pour présenter et lancer Aude d'Espagne. Eh ben, je définirais avec dans un style un peu jazz, avec une touche classique par le jeu de Jérôme, et puis ce côté musique du monde qui est quand même assez présent. Mais qu'est-ce qui peut-être distinguerait ce travail-là rapport à ce que tu as déjà pu proposer, qui était déjà dans ce registre, hein, Mousse et Issouf, d'autres duos, d'autres compositions qui ont toujours été dans cette veine-là? Quelque chose que il te semble être toujours dans cette même ligne, ou il te semble que t'as ce travail et cette rencontre-là t'a amené à... Non, c'est comme... Peut-être à autre chose. C'est comme si, en fait, des barrières sont... Il n'y a pas de barrières, en fait. S'ouvre toujours et encore. Voilà, tout à fait, les barrières sont cassées, on va de l'avant, et puis pourquoi pas. Je dirais très pourquoi bien. Pas. Ouais. Le temps de vous installer, on va écouter Aude d'Espagne, le solo de Jérôme. Tu nous présentes ce titre, cette pièce. Oui, alors, moi, j'ajouterais à ce qu'a dit Mousse, parce que c'est vraiment l'impression que j'ai eue au fil du programme, qu'on était dans une inspiration totalement méditerranéenne. Et le solo en question, alors au sens très large, c'est-à-dire du fond de la Méditerranée jusqu'à l'Afrique du Nord, l'Espagne, tout ça, et ça justifie cette pièce. Cette pièce a été composée par un contrebassiste qui est devenu français, qui venait de Syrie, qui s'appelle François Rabat, qui est un vieux monsieur maintenant, qui doit avoir plus de 93 ou 14 ans, qui a été un des premiers en France à faire à la fois... Il était le contrebassiste accompagnateur d'Aznavour, il a fait ça pendant des années, il a accompagné Barbara, enfin bref, c'était ce profil-là, mais avec une carrière classique qu'il a commencé assez tard dans sa vie, puisqu'il a travaillé et a terminé sa carrière à partir de 40 ans à l'Opéra de Paris. Et il a été un pédagogue, évidemment, et il a écrit tout un répertoire, et on sent évidemment ses influences. Et j'ai proposé à Mousse de mettre cette pièce dans le programme, parce qu'en fait, c'est une sorte de pièce flamenco, mais qui est construite exactement sur les modes musicaux qu'il a utilisés dans les autres pièces du programme, c'est-à-dire ces modes arabo-andalous, ou tous issus de la musique traditionnelle d'Afrique du Nord, ou de Syrie, de Turquie, du Liban. C'est ça qu'on retrouve là-dedans. Donc on est au plein sens du terme dans la musique du monde. Merci de cette présentation, Jérôme. Le temps de vous installer, on va couper les micros, on est très bavards tous les trois, et on va véritablement cette fois laisser place à la musique. On écoute Haute d'Espagne, issu de ce maxi EP contrebasse double basse, Jérôme Bertrand Moussidir, qu'on retrouve ensuite, et on va profiter pleinement de leur présence pour une vingtaine, trentaine de minutes live acoustique ici en studio sur le 895 de Duo. Aude d'Espagne, solo de Jérôme Bertrand, issu de ce maxi EP 6 titres, contrebasse et double basse. On retrouve cette fois précisément le duo Jérôme Bertrand Moussidir, ici en studio, pour nous faire une petite proposition live précisément. Rencontre, écoute, les deux double basses sont en place, Jérôme et Mousse sont prêts. On laisse place au direct et au live sur le 895 de Duo. Thank you. interprété Before the Rain, et là on fait suivre avec un morceau qui s'appelle Lazy Day. Alors on fait suivre avec Funambule. Thank you. vous, messieurs. Jérôme et Mousse Idir, Jérôme Bertrand et Mousse Idir, en direct sur le 895 de Dio dans ce programme des sons sensibles, dans le cadre aussi de notre Radio Live Festival. Joins-toi à la transe, un de ces rendez-vous, session live studio de contrebasse. Vous l'avez entendu, trois titres jusque-là. Et on l'observe ici en radio, vous sentez peut-être moins cette subtilité sur antenne de ce jeu de va-et-vient entre Archet et puis frotter, jouer en corde aux manches, l'un passant à l'autre. Et on sent beaucoup cette inspiration dont parlait Mousse, d'écriture aussi pour cet instrument qu'est le oud. On l'a senti dans les quelques moments de partition de ces trois morceaux déjà proposés. Mais là, véritablement, Mousse s'empare du oud et on va retrouver donc le binôme en contrebasse et oud, toujours sur le 89.5 de Dio. Thank you. magnifique. Moussidi Rouhoud, Jérôme Bertrand à la contrebasse. Pour ce duo, contrebasse, double basse. Et cette EP, donc, disponible. On va peut-être terminer avec un dernier titre, messieurs, si cela est possible. Je vous rends les micros, mais bon, il faut l'installer, chausser le casque. Je voulais juste vous demander peut-être... Oui, prends le micro, Mousse, si tu veux. Oui, est-ce que tu m'entends ? Il faut peut-être mettre le... Oui, je crois qu'il faut que tu rechausses le casque. Vous étiez plus à l'aise sans pour jouer. Un dernier titre ? Ouais, ok, c'est possible. Oui, c'est possible. Ouais. En guise de générique de fin, histoire de se saluer. Allez. En double basse contre basse. Un dernier. Si tu veux, allez. Un petit dernier, juste donc se saluer aussi, Mousse okay. Et Jérôme, savoir si d'abord comment peut-on se procurer du coup cet album, enfin cette EP. Alors partout. Partout. Partout sur la planète. Non, sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Voilà. J'ai vu que toi, tu as toujours ce site actif, moussidire.fr. C'est ça, ouais. Tout on à retrouve fait. Aussi les informations, il est actualisé. Il n'est pas super actualisé, mais je veux dire, voilà, en tout cas, sur l'album, donc, contrebasse et double bass, Moussidir et Jérôme Bertrand, on retrouve ça sur toutes les plateformes, sur Fnac, sur Amazon, partout, quoi. Deezer, et tout, ouais. Très bien, et au-delà du disque, la scène, savoir si peut-être là, quelques rendez-vous qu'on pourrait rappeler là prochainement. Alors la scène, de suite, là, il y a des choses qui sont en train de se confirmer. Okay. Et donc là, on ne peut rien annoncer encore pour l'instant. D'accord. Voilà. Rien de spécial demain pour, par exemple, ce 21 juin, fête de la musique. Non, en privé, mais bon. En privé. C'est un peu tous les jours aussi pour vous, la fête de la musique. Tout à fait, voilà. Alors, juste parce que ce morceau était magnifique, pour le désannoncer, qu'est-ce qu'on vient d'écouter Alors, sur on cette vient forme on vient d'écouter Balcony Flowers, et voilà, donc un morceau... Le dernier titre du EP. Du EP, voilà, tout à fait. Et on va terminer avec une dernière proposition. Voilà, quelque chose qui ne figure pas sur le EP. D'accord, ce qui fut le cas déjà hein, par un autre titre là aussi qui n'est pas sur le EP. Non, si, ah oui, c'est tout à fait, exact, ouais. Ouais. Tu le connais mieux que moi, tu vois. C'est Les Idées, tout à fait, qui passe sur le EP, ouais. Voilà. Et là, on va faire Sun and Dust. Ok, donc une autre proposition. Donc ces deux titres-là, par exemple, sont quoi, des nouvelles créations ou Non, elles font partie du répertoire, sauf que pour faire le... Pour vous avez dû faire une sélection. On a fait une sélection, tout simplement, voilà, okay. Tout à fait. Eh bien, on se termine là-dessus. Grand merci à vous. Hein, merci en tout à cas, toi, Lionel, merci à Radio Dio, merci à Myria hein, pour les jolies photos. Et oui, qui est avec nous, ouais. À nos côtés, à mes côtés, en stage ici sur le 8-9-5 de Dio, et qui assure à merveille, à l'écoute... À la com, à la sur tous les fronts. On termine là-dessus. Encore grand merci. Merci. Ouais. On termine avec un dernier morceau en guise de générique de fin de ces sons sensibles du jour. On se retrouvera lundi, même lieu, même heure, bien entendu. D'ici là, tout bon chez vous. Portez-vous très bien. Belle fin de journée à vous. Belle fin de semaine et plus. Ciao, bye. Thank you. Merci. Merci à tous. Bravo, bravo.